le père Barbeau de la Cosse n'était pas mal dans ses affaires, à preuve qu'il était du conseil municipal de sa commune. Il avait déjà 3 enfants quand la mère Barbeau, voyant sans doute qu'elle avait assez de biens pour 5 et qu'il fallait se dépêcher parce que l'âge lui venait, s'avisa de lui en donner 2 à la fois, 2 beaux garçons. Et comme ils étaient si pareils qu'on ne pouvait presque pas les distinguer l'un de l'autre, on reconnut bien vite que c'était 2 Bessons, c'est-à-dire 2 jumeaux d'une parfaite ressemblance. Le premier arrivé fut nommé Sylvain, dont on fit bientôt Sylvinet, pour le distinguer de son frère aîné, qui lui avait servi de parrain. Et le second fut appelé Landry, nom qu'il garda, comme il l'avait reçu au baptême. Le père Barbeau fut un peu étonné, quand il revint du marché, de voir 2 petites têtes dans le berceau. « Tu travailles si bien, ma femme, lui dit-il, que ça doit me donner du courage. Voilà 2 enfants de plus à nourrir, dont nous n'avions pas absolument besoin. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je me repose de cultiver nos terres et d'élever nos bestiaux. Sois tranquille, on travaillera. Mais ne m'en donne pas 3 la prochaine fois, car ce serait trop. » La mère Barbeau se prit à pleurer, dont le père Barbeau se mit fort en peine. « Bellement, bellement, dit-il, il ne faut te chagriner. Ces 2 enfants-là sont beaux et bien faits. Ils n'ont point de défaut sur le corps, et j'en suis content. » « Alas, mon Dieu, dit la femme, je sais bien que vous ne les reprochez pas, notre maître. Mais moi j'ai du souci, parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait rien de plus chanceux et de plus malaisé à élever que des Bessons. Ils se font tort l'un à l'autre, et presque toujours, il faut qu'un des 2 périsse, pour que l'autre se porte bien. » « Oui, da, dit le père, est-ce la vérité? Tant qu'à moi, ce sont les premiers Bessons que je vois. Le cas n'est point fréquent. Mais voici la mère Sagette, qui a de la connaissance là-dessus, et qui va nous dire ce qu'il y en est. » La mère Sagette, étant appelée, répondit, « Fiez-vous à moi, ces 2 Bessons-là vivront bel et bien, et ne seront pas plus malades que d'autres enfants. Il y a 50 ans que je fais le métier de sage-femme et que je vois naître, vivre ou mourir tous les enfants du canton. Ce n'est donc pas la première fois que je reçois des jumeaux. D'abord, la ressemblance ne fait rien à la santé. Il y en a qui ne se ressemblent pas plus que vous et moi, et souvent il arrive que l'un est fort et l'autre faible, ce qui fait que l'un vit et que l'autre meurt. Mais regardez les vôtres, ils sont chacun aussi beaux et aussi bien corporés que s'il était fils unique. Ils ne sont donc pas faits, le dommage l'un à l'autre dans le sein de leur mère. Ils sont jolis à merveille et ne demandent qu'à vivre. Consolez-vous donc, mère Barbeau, ça vous sera un plaisir de les voir grandir. Et, s'ils continuent, il n'y aura guère que vous et ceux qui les verront tous les jours qui pourraient faire entre eux une différence. Car je n'ai jamais vu 2 Bessons si pareils. On dirait 2 petits perdreaux sortant de l'œuf. C'est si gentil et si semblable qu'il n'y a que la mère perdrix qui les reconnaisse. À la bonne heure, fit le père Barbeau en se grattant la tête. Mais j'ai ouï dire que les Bessons prenaient tant d'amitié l'un pour l'autre que, quand ils se quittaient, ils ne pouvaient plus vivre et qu'un des 2, tout au moins, se laissait consumer par le chagrin jusqu'à en mourir. C'est la vraie vérité, dit la mère Sagette. Mais écoutez ce qu'une femme d'expérience va vous dire. Ne le mettez pas en oubliance, car dans le temps où vos enfants seront en âge de vous quitter, je ne serai peut-être plus de ce monde pour vous conseiller. Faites attention, dès que vos Bessons commenceront à se reconnaître, de ne pas les laisser toujours ensemble. Enfin, par tous les moyens que vous pouvez imaginer, empêchez-les de se confondre l'un avec l'autre et de s'accoutumer à ne pas se passer l'un de l'autre. Ce que je vous dis là, j'ai grand peur que vous ne le mettiez dans l'oreille du chat. Mais si vous ne le faites pas, vous vous en repentirez grandement un jour. » La mère Sagette parlait d'or et on l'a crue.